rappelle de ce type là. On croisait tous les jours mon frère. Ouais. Je vois plus. Deux mois je l'ai pas vu. Plus de nouvelles de lui. Rien. Juste un freestyle. Il a disparu mon frère. Beaucoup trop de backstage. Comment dire simplement, on peine à rire avec mes frères de banque. On passe le temps, qu'on fasse les grands, y'aura toujours un blanc. Qu'on parle de réussite, même socialement. Un fossé se creuse, les miens finissent à cran. Comme à chaque fois, après avrier, ils se disent la chance c'est quand. Comme si celle-ci s'attend. Voyant les tours du voisin défiler sans souci apparent, v'là le doute et la paresse. Suffit de se dire que les profs étaient dans le vrai. Subir le crime et toi tu rêves pastel. Baisser les bras sauf quand ton temps est vert. Tu dis un truc, tu penses l'inverse. Tu te laisses aller, tu la retournes plus, tu portes même plus la veste. Tu dis des trucs qui ont même pas de sens, sa mère. Faudrait que tu vois ce que t'engranges comme galère. Ma gueule, tu sens le pétard mouillé. Pour t'en sortir, tu vas ramer. Je te parle d'une vraie pente à remonter. C'est pas gagné, c'est à toi de voir. Suffit de plus écouter tes frères. C'est pas gagné tant que y a de l'espoir. Mais tu te contentes de tes défaites, mec. Au fond, c'est toi que tu m'armènes, ça te paraît fou. Et regarde autour de toi, sur 5 types, t'en as 3 qui galèrent. Et rien que ça braille le soir, et je parle pas du chant des baleines. Tu vis la merde, tu viens la chanter ma main. Tu vis la merde, tu viens la chanter ma main. Si toi tu crèves l'écran, sache qu'ici, bah nous on perd des gens. Je flippe du temps, vu le temps qui prend. Je file du taf aux gens qui pensent. Résultat d'une chance immense. Je mets deux rampes, c'est l'envie de les surprendre. Car prendre les devants, c'est laisser des gens derrière soi. Mais sache qu'en peine devant, tu peux plus compter sur tes voiles. Ton bout de chemin parle pas de victoire. Les traits de ton visage en témoignent. Chaque jour la tête en vrac. Tu dors plié comme un clic-clac. C'est pas tip-top pour ton moral. Tu craches plus frère, tu lasses des flaques. Casse des flashs et marche trop tard. Dans la stessa, c'est plus toi. Boy, toi t'es le mélange entre une vie de schlag et un fixe de Prozac. Le temps Mossad, tu vois ta peine avec un timbre Hoffman. Au fond tu le sais, ma gueule t'essaye, mais t'es pas comme plein d'autres gars. Et ça te trauma plus que ton trou dans l'estomac. Plus que ton trou qui répond pas, plus que ta meuf qui se demande où elle va. C'est pour tous ces gars qu'on a croisés, qui on a grandi. Juste avec quelques canettes de temps en temps. Même croisés au bahut, mais on le sait tous qu'ils sont devenus. On en parle entre nous, mais ça se contente de whisky chaque jour, frère. Whisky le malin, éviter la chute. C'est une case de ta tête que tu maîtriseras jamais.